Aujourd'hui, c'est avec un petit pincement au cœur que nous vous retrouvons puisque c'est notre toute dernière émission avant la rentrée prochaine. Actu, débat, culture, idées, musique. Ça, c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Alors, pour finir en beauté, nos chroniqueurs mêlent un peu de leur personne avec notre Union européenne pour une émission patchwork unique et toujours aussi européenne. C'est Victor qui inaugurera la danse en nous éclairant sur la politique européenne vis-à-vis de l'intelligence artificielle, suivi par Mathilde qui nous dira pourquoi l'Europe et le sport sont faits pour s'entendre. Puis Suzy nous fera virevolter en nous parlant de l'application Danse l'Europe lancée l'année dernière. Mathilde, et oui encore elle, se chargera du flash culturel et enfin ce sera au tour d'Inès de nous raconter comment elle aurait pu faire une carrière d'actrice de spot publicitaire pour l'Union européenne. Et pour accompagner cette belle émission, Angelina, qui n'est pas au studio avec nous, sera quand même bien aux platines pour une sélection musicale géniale. J'en profite pour souhaiter bonne route à nos trois coprésidentes d'Europe & Roll cette année puisque Mathilde, Léandra et Angelina s'en vont vers de nouveaux horizons en République tchèque et en Allemagne pour leur troisième année. Ça a été pour nous un grand plaisir de faire vivre l'émission avec vous et Victor et moi-même comptons bien poursuivre votre chemin sur les ondes en espérant qu'elles parviendront jusqu'à vous. Et on commence tout de suite avec un sujet qui est beaucoup revenu dans l'actualité récemment, j'ai nommé l'intelligence artificielle. Victor, tu t'es penché sur la position de l'Union européenne vis-à-vis de ce secteur en expansion. Alors que nos sociétés ne cessent de se digitaliser, l'IA prend une place de plus en plus importante et révolutionne le champ des possibles au sein de nombreux domaines. Étant initialement une avancée technologique majeure, fascinante pour certains, effrayante pour d'autres, l'IA est aujourd'hui devenue un véritable enjeu géopolitique. Ainsi, certaines puissances semblent être déjà très en avance à l'image de la Chine ou encore des États-Unis, tandis que d'autres, comme l'UE, développe une politique numérique dans un enjeu de souveraineté. L'enjeu serait alors de développer l'intelligence artificielle et d'apprendre à utiliser au mieux cette technologie tout en encadrant les risques engendrés par ce nouvel outil. Car en effet, l'UE ne s'y trompe pas, l'intelligence artificielle est devenue un outil redoutable dans plusieurs domaines tels que la déstabilisation politique, les cyberattaques, le commerce de données ou encore le contrôle de la population. La puissance de cet outil et son utilisation par des régimes autoritaires comme la Chine ouvre le débat de la neutralité d'une technologie pouvant être utilisée en opposition totale avec les droits de l'homme. L'Europe enregistre un certain retard face aux principales puissances du numérique et doit donc s'adapter. Pour favoriser le développement des IA au sein du vieux continent, le plan est simple, créer un espace européen unique des données, un marché unique des données. Évidemment, cette politique théorique se plie aux limites également déterminées par l'UE en ce qui concerne principalement les politiques de concurrence et de protection de la vie privée. Ce projet se développe donc déjà depuis 2016 et fait l'objet de plusieurs encadrements réguliers afin d'en limiter les effets négatifs. Car malgré plusieurs limites liées à son utilisation, l'UE a bien compris que c'est avant tout un très important atout économique. Ce constat est donc accompagné d'une politique d'investissement européenne au sein de secteurs spécifiques comme le développement d'infrastructures ou encore la formation de personnel européen qualifié. Concrètement, la Commission européenne a lancé une proposition avec l'orientation de 1 milliard d'euros des dispositifs Digital Europe et Horizon Europe vers des projets concernant l'intelligence artificielle. En outre, le plan de relance européen avait déjà comme objectif de favoriser la transition numérique des États membres, incluant, entre autres, plusieurs mesures sur l'IA. Mais n'y a-t-il pas des risques trop importants autour d'un tel développement ? En effet, le débat public de ces dernières semaines autour de l'IA tourne beaucoup autour d'un aspect fondamental trop souvent négligé, n'étant pas le seul risque lié à cette technologie, l'aspect éthique. Si l'UE reconnaît les bénéfices sociaux et économiques liés au développement de l'IA, elle prend conscience des risques et notamment des potentielles atteintes aux droits de l'homme. Ainsi, ce constat traduit une approche par les risques divisés en quatre catégories dans la proposition de règlement d'avril 2021, d'inacceptable à minimal. Plusieurs pratiques peuvent entraîner la catégorisation d'un risque en catégorie inacceptable, tels que les systèmes de notation sociale ou encore l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel. Pour superviser toutes ces transformations juridiques du point de vue du statut de l'IA au sein de l'UE, La Commission prévoit de mettre en place un comité européen de l'intelligence artificielle. Toutefois, cette politique de l'UE n'est pas sans critique car peut paraître incohérente pour certains. En effet, d'un côté, la doctrine européenne favorise le développement et encourage à l'innovation dans le domaine des IA, et de l'autre, tente d'en limiter les risques via la régulation des pratiques jugées les plus sensibles. Nous voyons ainsi tout l'enjeu de l'intelligence artificielle de demain étant incontestablement un moyen de modernisation de notre société, pouvant faire progresser l'humanité dans de nombreux secteurs tels que la santé, l'environnement, le transport, la défense ou encore la recherche scientifique. Mais les perspectives d'utilisation ne manquent pas, mais se heurtent parfois à l'éthique, pouvant même aller jusqu'à enfreindre les droits de l'homme. Le développement d'un tel outil par des États non démocratiques pourrait à terme créer de nombreuses menaces pour les sociétés occidentales, comme des intelligences artificielles génératrices de logiciels malveillants, malware, voire plus globalement une utilisation de données numériques d'utilisateurs européens par des puissances étrangères dans un enjeu devenant pleinement géopolitique. En effet, le numérique n'a pas de frontières mais ne se heurte à aucune barrière, redessine la carte du monde, laissant bientôt aux institutions traditionnelles une illusion de contrôle. Et merci Victor pour cet éclairage. Sans transition, on atterrit sur les terrains de sport puisque Mathilde va maintenant nous parler du lien entre le sport et l'Europe. Tout à fait, chères auditrices, chers auditeurs, si vous nous avez été fidèles tout au long de cette année, passez ensemble, et si vous réussissez à avoir en tête chacune de nos émissions, ce dont je ne doute pas, eh bien vous aurez remarqué qu'un sujet a été plutôt absent de nos discussions. Alors oui, on en avait un peu parlé au travers du foot féminin, mais globalement, on a peu mis en avant le sport, et surtout le sport en Europe. Alors ne croyez pas que c'est parce que les étudiants de Sciences Po ne savent bouger que leur cerveau. Vous avez autour de cette table des sportifs émérites qui se dépassent chaque semaine dans des activités diverses et variées, comme le rugby, le basket, le foot, le volley, la danse, le cheerleading, et j'en passe. On nous l'a assez répété, 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, tout ça, c'est depuis longtemps intégré. Mais dans le sport, on transmet aussi des valeurs qui, si elles sont universelles, peuvent aussi nous concerner, nous, les Européens, de plus près. Pourtant, l'Union européenne n'a qu'un rôle marginal dans la politique sportive, non ? Bon, alors effectivement, je vous vois venir. Comme ça, à part les championnats européens, le lien entre sport et Europe n'est pas si évident, d'un point de vue institutionnel du moins. Le domaine sportif relève largement de la compétence des États, et l'Union européenne ne dispose que de compétences d'appui. Alors elle s'est quand même engagée contre le dopage et les violences dans le sport, notamment après les mouvements de foule lors d'une rencontre footballistique entre la Juventus Turin et Liverpool en 1985. Et mine de rien, pour les amateurs du ballon rond, l'UE a aussi eu une importance considérable dans les transferts au prix exorbitant. C'est en effet l'arrêt Bosman de 1995, du nom du joueur de football belge Jean-Marc Bosman donc, qui a permis une plus grande mobilité des joueurs issus des pays européens. Alors au prochain mercato, il y a quand même une pensée pour notre bonne vieille jurisprudence de la Cour de justice de l'UE. Mais ça concerne surtout les joueurs professionnels. Est-ce que d'autres initiatives nous concernent, nous, directement, humbles amateurs que nous sommes ? Eh bien, j'imagine que vous connaissez déjà la réponse. Of course, l'Union européenne pense toujours à tout. Déjà, il faut préciser que le traité d'Amsterdam soulignait dès 1997 l'importance sociale du sport et son rôle de ferment de l'identité et de trait d'union entre les hommes. Rien que ça. Bon, après on a les initiatives moins connues et pas toujours très médiatisées à l'échelle européenne, comme la Semaine européenne du sport, qui a d'ailleurs été lancée avec un soutien appuyé du Comité national olympique et sportif français, et qui vise à inciter tous les Européens à se lancer dans l'activité sportive de leur choix. Et finalement, quand on y réfléchit, on se rend compte que le sport, c'est bien un des domaines où les Européens pourraient ressentir leur unité dans leur diversité. Je concède que les championnats, qu'ils soient à l'échelle européenne ou pas, sont plutôt l'expression de sentiments nationaux plus ou moins exacerbés. Mais les Européens savent aussi se retrouver autour du sport. Les clubs des sports typiquement européens comme le handball par exemple sont ainsi le lieu de mélange des nationalités éclectiques qui font justement la beauté du sport. Regardez par exemple les matchs du club de Montpellier, le meilleur de France et du monde, du moins dans mon cœur, et vous verrez se côtoyer des Français, oui, mais aussi des Danois, des Slovènes, des Géorgiens, des Suédois. Alors je vous renvoie au fameux In Varietate Concordia qu'on n'a pas non plus eu l'occasion de citer dans notre émission et qui pourtant pourrait être le sous-titre entier de Europe and Roll. Ce qui fait la force des Européens, c'est bien leur unité dans la diversité, le mélange des pratiques et des habitudes autour de valeurs qui, elles, restent communes. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un idéal quelque peu prophétique ou naïf, mais c'est justement quand on y croit qu'on peut le voir dans notre vie du quotidien, alors pourquoi pas commencer par le voir dans le sport. Ça, c'est... Merci Mathilde pour cette chronique, et cette diversité s'applique d'ailleurs aussi au champ de la musique. C'est au tour d'Angelina de nous le démontrer avec son premier choix, qu'Inès va nous lire pour elle. Première chanson de cette programmation, l'occasion de se rappeler qu'on revient de loin. Il y a 200 ans au cœur de l'Europe, pas de marché unique ou d'espace Schengen, une grande étendue pour un champ de bataille des nations, c'était Waterloo en 1815. Un peu plus de 250 ans après, la lutte avait lieu sur la scène de l'Eurovision en 1974, en habit de sequin, et pour chanter les défaites de l'amour. Symbole de la victoire qu'est l'Europe que l'on connaît aujourd'hui, voici Waterloo de ABBA. Merci Angelina, c'était Waterloo de ABBA sur Europe N'Roll. Et après la musique, la danse. Suzy, tu veux nous parler d'une expérience artistique innovante lancée par l'Union Européenne. Alors oui, danser. Ce verbe qui nous fait rêver, nous fait bouger, nous fait valser, mais aussi qui nous fait célébrer, nous rencontrer. La danse, c'est un peu comme une grande rencontre, un unisson, des corps qui se mettent en mouvement ensemble sur une même musique, ou bien sans musique. Alors oui, la danse n'est pas uniquement là pour impressionner vos amis en soirée, mais elle est aussi là pour unir et réunir. Elle n'unit pas seulement des individus d'un même dance floor, mais aussi des peuples. Si je vous disais que la danse peut souder les Européens qui bougent dans un unisson parfait, me croiriez-vous ? Je vais faire danser l'Europe. Mais quelle entrée en matière ! Tu m'as donné envie de danser tout d'un coup. Mais dis-nous en plus, as-tu une idée précise en tête pour faire danser l'Europe ? Alors ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, mais disons que le ministère de la Culture française a été inspiré. En effet, à l'occasion de la présidence française au Conseil de l'UE, la première moitié de l'année 2022, le ministère a lancé en collaboration avec l'Élysée une application appelée Danse l'Europe, et qui s'est ensuite exportée chez tous nos voisins. L'objectif est que chaque personne qui le souhaite puisse se filmer en train de danser la chorégraphie de l'application et poster cette vidéo sur la plateforme NumériDance. Ils ont eu jusqu'au 30 mai 2022 pour faire ça. Les différentes vidéos ont ensuite été montées pour créer une sorte de film afin de refléter une Europe sans frontières, du moins pour tous ceux qui acceptent de danser. Ici, la musique adoucit les mœurs, la danse, quant à elle, rapproche nos âmes, on dirait bien. Mais alors, comment ça se passe concrètement? Les citoyens européens doivent-ils reproduire une chorégraphie à partir d'une vidéo, ou bien peuvent-ils improviser? Ça, c'est une très bonne question. Ni l'un ni l'autre, à vrai dire, et à la fois un peu des deux. Laisse-moi expliquer cela à nos auditeurs. Les utilisateurs de l'application ne doivent pas reproduire une chorégraphie à l'aide d'une vidéo, mais se laisser porter par une audio-guidance. C'est très simple. Il suffit de se munir d'une paire d'écouteurs et de se laisser guider par les indications du chorégraphe Angelin Préjocase, qui décrit des mouvements que chacun peut se réapproprier, le tout sur une musique composée par Jane Hadid. Si la voix était à l'origine en français, elle a été déclinée dans les 24 langues officielles de l'Union. Donc aucune excuse, n'importe qui pouvait s'essayer à cette expérience unique, accessible à tous, quelle que soit sa langue ou son niveau de danse. Le but de cette application était avant tout d'être inclusive et de faire découvrir la danse comme un moment de partage, tout en restant propre à chacun. C'est original comme méthode et je me demande bien ce que ça donnerait si on essayait ici avec l'équipe d'Europe N'Roll. Aurais-tu un dernier mot pour conclure sur cette belle initiative? Alors oui, je dirais que ce qui était très important pour le chorégraphe à l'initiative du projet, c'était de créer un unisson, par exemple en faisant danser les Européens au même moment, donc le même jour, à savoir le 9 mai, date de la journée de l'Europe. Il qualifie cela d'une sorte de communion. Communion avec les autres, mais également avec soi-même, comme il le rappelle, je cite, « C'est une manière de se réapproprier son corps, quel que soit son niveau de danse ou son niveau sportif, tout âge confondu. Comme il n'y a pas de visuel, il n'y a pas d'autocritique. Il faut laisser son imaginaire. » Et finalement, c'est ça qui résume le mieux l'esprit de la danse. Un corps et un esprit qui s'expriment, à l'unisson, à la fois en harmonie avec les autres, tout en gardant leur singularité. Alors bravo à Angelin Préjocase d'avoir pu transposer cet esprit de la danse à l'échelle européenne. Merci Suzy, et c'est désormais l'heure du flash culturel. Mathilde, tu nous proposes un remède à la nostalgie de cette fin d'année. Pour ce dernier flash culturel, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de nous faire voyager un peu et même beaucoup. Embarquons donc pour la petite île de Laou, pas très loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est entre le sable, la mer et la forêt qu'on découvre Aya, une jeune fille éclatante, virevoltante, mais surtout très têtue. Dans son docu-fiction éponyme, le réalisateur belge Simon Koulibaly-Gillard filme la vie des habitants de l'île, qui apparaît d'abord comme un coin de paradis aux couleurs pastel dont émanent une tranquillité et une insouciance que rien n'aurait dû venir troubler. Pourtant, le basculement est là. La mer s'élève et grignote des parcelles de terre et d'existence, obligeant les familles à se hisser sur des bateaux qui tanguent vers des avenirs incertains, après avoir déterré leurs morts qu'on ne saurait abandonner aux vagues qui engloutissent le village. Pour Aya, la disparition de la terre où elle a grandi signifie aussi l'effacement progressif de l'enfance. Malgré ce détachement forcé de ses racines, elle s'y accroche jusqu'au bout, au milieu de ceux qui rassemblent leurs affaires pour partir. Elle multiplie les jeux, les aventures, les rires avec sa mère et son petit frère. Si son sourire et sa beauté irradient si purement l'écran, cela tient aussi sans aucun doute à la démarche du réalisateur. Aya reste bien un personnage qui est incarné par Marie-Josée Denis Cocora, mais le scénario, lui, est bien le fruit des échanges de Simon Koulibaly-Gillard avec les habitants de Laou. Ce qui est filmé, ce sont ainsi des histoires, des témoignages réels qui portent Aya vers l'âge adulte. Aux reflets doux et ronds de l'île de Laou seront opposés les néons agressifs d'Abidjan dans la quête de soi entreprise par Aya, mais c'est finalement bien vers la mer qu'elle reviendra, ancrage indéfectible qui la rappelle à elle. Merci Mathilde pour cette bulle culturelle et toutes les deux chroniques, une pause s'impose. Sur quel titre s'est porté le choix de notre DJ Angelina pour ce deuxième intermède musical? À l'occasion de cette dernière émission d'Europe N'Roll, il paraissait important de rappeler l'objectif initial de l'UE. Et oui, idéalistes nous sommes à Europe N'Roll. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, l'UE au début c'est la paix, et dans les temps que nous connaissons aujourd'hui, « Give Peace a Chance » de John Lennon résonne d'autant mieux. Two, one, two, three, four. We'll be right back. C'était Give Peace a Chance de John Lennon. Vous êtes bien à l'écoute d'Europe and Roll. Et pour clôturer, enfin presque, cette émission, qui de mieux qu'Inès, cette fois-ci, pour nous parler de sa relation presque fusionnelle avec l'Union européenne. Vous savez, pas plus tard qu'hier, j'ai dit à ma banquière, c'est formidable l'Union européenne. On dirait un mauvais spot publicitaire de l'UE à destination des jeunes. Et pourtant, c'est vraiment ce qui m'est arrivé quand je me suis rendu compte que mon départ en Allemagne l'année prochaine n'allait engendrer aucun problème administratif au niveau de ma banque, puisque nous étions dans la zone euro, dans l'Union européenne. Je disais donc, c'est formidable l'UE, sans aucune ironie. Personne ne m'a payé pour dire ça, alors que franchement, je crois que ma vie entière est une pub pour l'Union européenne. Vous voyez, un genre de spot publicitaire à gros budget, où l'on voit le personnage principal évoluer de l'enfance à l'âge adulte. Première prise, une petite fille avec des longues nattes brunes et une tunique rose, la tête à l'envers en cochon pendu, sur une des structures de jeu du jardin des deux rives. Un parc immense qui s'étend des deux côtés du Rhin, entre Strasbourg et Kiel, symbole de l'amitié franco-allemande et du projet européen. La fillette repart en roller, elle s'arrête, son père lui apprend à faire des ricochets. Son père l'amène très souvent au jardin des deux rives parce qu'il ne sait pas quoi faire de sa fille et que les cafés en Allemagne sont moins chers. Son père encore, qui la tient par la main, et l'emmène aux journées portes ouvertes du Parlement européen. C'est entrée libre et les goodies débordent des stands. Il lui glisse « Tu prends tout ce qui est gratuit, Benti ». Le tote bag sombre et étoilé est rempli de gommes, de taille-crayons, de stickers et de fascicules sur l'Union européenne pour lesquels l'enfant fait semblant de se passionner. Prise 12, la petite fille a aussi une maman et l'Europe est peut-être le seul point commun qu'elle trouve entre ses deux parents séparés. Avec la mère aussi, elle a pédalé jusqu'à Europa Park, ce parc mythique qui est construit par quartiers thématiques qui correspondent à chaque pays européen. L'enfant a aussi voyagé en vrai dans toute l'Europe avec sa mère, souvent en Flixbus. D'ailleurs, le Flixbus, quel meilleur symbole européen ! Une compagnie allemande avec des chauffeurs hongrois qui ne parlent que tchèque. Maintenant, l'enfant a grandi, fait la conduite accompagnée, et la mère se désole. Comment on va faire pour arriver aux 1000 km si tu n'as pas le droit de conduire en Allemagne ? Alors à chaque fois en voiture, l'ado traverse le pont Flimelin et se gare au Forum européen sur le Rhin. La mère et la fille boivent un cappuccino et la mère reprend le volant. Pour ses 18 ans, l'Union européenne, à travers son portail pour la jeunesse, lui a offert un pass Interrail et c'est l'aventure. Elle s'éclate parce que l'UE a financé à hauteur de 2 millions d'euros le tram transfrontalier tout neuf pour que la jeune femme puisse aller en boîte en Allemagne depuis Strasbourg en 20 minutes. Fin de tournage, maintenant vous savez tout. Vous savez que pour moi, l'Union européenne a l'odeur du bitume qui chauffe sous les pneus de vélo et des stylos neufs floqués. Elle a le goût de la mousse de lait du cappuccino et de la nausée du Flixbus trop long ou celle de retour de boîte à 5h du mat avec le premier tram de la journée. L'Union européenne crie dans mes oreilles dans la descente du Grand 8 d'Europa Park. Elle me parle en allemand, en anglais, en français et même en tchèque. L'Union européenne continuera encore longtemps de rythmer ma vie. Merci Inès pour ce beau partage qui ferait taire plus d'un eurosceptique. Et c'est déjà l'heure de se quitter, mais pour se consoler un peu, voici le dernier choix musical d'Angelina. Dernière émission d'Europe and Roll de cette saison, mais c'est bon, ne paniquez pas, la relève arrive avec Carmen et Victor. Et dernière occasion pour Angelina de faire une blague nulle, d'user des poncifs vus et revus, et surtout de montrer son attachement à l'Europe avec cette dernière programmation, The Final Countdown d'Europe.